Annonce 4. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que la station commerce est fermée au public. Prochain arrêt, Félix Faure. Merci de votre attention.